Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. On va parler des Alouettes de Montréal avec notre ami Pascal Masson. Salut Pascal! Salut Danny! Pascal, gros merci encore de collaborer cette année avec moi pour la Ligue canadienne. Puis je vais te demander un petit peu plus tard également de la NFL, peut-être tout est lundi. Quoi qu'il en soit, on va parler... j'ai zéro intérêt pour les Alouettes cette année. J'ai de l'intérêt pour la Ligue canadienne, mais zéro intérêt pour les Alouettes. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est un club inodore qui n'a aucune saveur. Moi, je ne suis pas entiché par Mike Sherman, comparativement à bien du monde. Au poste de corps, ton chum Bruno Eppel nous vantait Matthew Shields. La semaine passée, ça a été très, très, très difficile. Puis c'était même pas la première unité, imagine-toi donc. Fait que, imagine-toi, première unité. Heureusement qu'il y a deux gars de Dolbeau pour une petite ville de 15 000 personnes. On a deux joueurs de Dolbeau dans l'NCF. Ça va nous faire suivre la LCF. Et Johnny Manziel, parce que le reste, là. Je vais te dire une affaire, je suis pas vraiment intéressé. Ben écoute, c'est difficile à défendre ce que tu dis. C'est sûr que toi, tu parles des jeunes hommes de Dolbeau, de ta région, donc ouais. C'est sûr que ça peut apporter un intérêt supplémentaire. Moi, je parle surtout de tous nos Québécois aussi. Là, je mettrais dans cette liste-là tous les Québécois qui vont participer. À la Ligue canadienne cette année. Il y a des intérêts aussi de mon côté personnel au niveau des joueurs universitaires canadiens. Là, il y a des bons petits joueurs universitaires canadiens qui sont également dans la Ligue, qui ça peut être un intérêt. En effet, c'est difficile de se dire fan seulement d'une équipe. Hein? Puis là, on parle des Canadiens, des Alouettes de Montréal ici, malgré que les Canadiens de Montréal, c'est la même affaire. Hein? Ah, c'est tout pareil à Montréal, ça. Même l'impact, mais, on va dire, en a fait, c'est pas fort. Le début de saison va soit nous donner raison ou à nous acheter peut-être quelques semaines. On ne sait jamais, mais il y a des choses qui m'intéressent en début de saison, moi, certainement. OK. Évidemment, là, on parle de Vernon Adams, qui pourrait être rapatrié avec les Alouettes. Vernon Adams, qui est un corps de talent, mais qu'on n'a pas réussi à développer un autre, parce que, écoute, là, ça te démontre à quelque part. On en a parlé, Pascal, l'année passée, puis on en a parlé souvent, là. Des carrières, il n'y en a pas. Sur le marché, ça fait bizarre de dire ça. T'as 300 équipes de football aux États-Unis, puis on a de la misère à avoir des bons calibres, nourrir deux ligues de football, pour te donner une idée. Là. Ça paraît bizarre, mais ça te démontre à quelque part comment il n'y a pas de carrière quand on veut rapatrier Vernon Adams. Ben, écoute, tu sais, le gros problème à Montréal, là, puis j'aurais le goût de mettre les équipes professionnelles au complet dans le même bateau, là, je dis Montréal ou au Québec, là, c'est qu'on refuse d'être en bas de classement dans nos actions. Ce qui aurait dû se passer, puis là, je vais jouer à mon gérant d'estrade, là, mais ce qu'on aurait dû faire à Montréal, c'est d'accepter le fait qu'on doit être en bas de classement, mais former la relève, former un carrière. On en a déjà parlé ensemble de Kato. Ah, moi, je trouve que c'est de loin le meilleur. C'était de loin le meilleur qu'on a vu à Montréal. On aurait pu dire, OK, il ne nous fera pas gagner la Coupe Grey dans les 2-3 prochaines années, mais au moins, on va le développer, puis éventuellement, il va devenir bon. Bon, Vernon Adams, ça en a un autre, ça, que moi, je trouvais pas mauvais, qu'on s'est départi, mais on s'en est départi pour un bon... Brendan Bridge. C'est ça, tu sais, Brendan Bridge, en effet, tu sais, on a eu des carrières, mais on a refusé de développer, puis on a essayé de mettre, bon, Darren Durant en poste, qui était une carrière qui a performé dans le passé, puis que finalement, bon, il prend sa retraite, tu sais, on a mis Glenn, tu sais, on a essayé de mettre des carrières qui pouvaient peut-être nous faire gagner tout de suite, genre Denver qui ont fait avec Peyton Manning, puis là je compare pas nécessairement Peyton Manning Adderen, mais dans ce genre-là, eux autres, ça a fonctionné. Mais au niveau de la Ligue canadienne, il faut que tu te permettes de reculer en arrière puis de dire, là, on a perdu toutes ces années-là en essayant de mettre des carrières sans les développer, en étant pareil en bas de classement. Ouais. Fait qu'on se retrouve où aujourd'hui? On se retrouve à la même position où ce que là, peut-être, on se dit, bon, tu parlais que Drew Willey, on s'en est parlé ensemble, Drew Willey, pas c'est un bon deuxième, c'est un pas nécessairement bon deuxième. Un bon premier, mais moi, c'est quoi? J'aime mieux voir Drew Willey au poste de corps que Durant. Tu sais, au moins, Drew Willey, il va peut-être en mesure de il y a un peu plus de long terme là-dedans, tu sais. Sauf que encore là, on se retrouve dans une même situation au poste de corps qui est très épeurante là, pour les Alouettes de Montréal. Est-ce qu'on s'est fié trop à Josh Freeman? Ben, je peux pas croire que... Si c'est le cas, là, je dis oui, au niveau des médias puis au niveau du fan, on s'est fié trop à Josh Freeman. Ça, c'est clair, parce qu'on est tellement en mode... tu sais, on est en train de se noyer, on veut une bouée, fait que dès qu'il y en a une qui nous est présentée, on saute dessus à deux mains, ce qui était le cas de Josh Freeman. Pour le fan, pour le média, je peux pas croire que la direction générale des Alouettes se sont fiés à ça. Je veux dire, c'était bien plus un ce qu'on appelle un long shot, là, un coup de dé, dire, hey, c'est quoi, on l'amène, puis advenant le cas qu'il performe, tant mieux pour nous autres, sinon, on a un plan A. Tu sais, si nous ressortent un moment donné, en entrevue en disant, hey, écoutez, on pensait que Freeman serait notre homme, puis finalement, il n'a pas été notre homme. Et déjà que j'étais un petit peu irrité et déçu de la direction qu'on a pris dans les dernières années, là, on décrocherait solide. Ouais. Mais il y en a un de mes chums qui est un grand amant de la NFL, puis qui regarde la Ligue canadienne pour rire de la Ligue canadienne. Okay? Tu sais, c'est le genre de personne qui n'est pas capable d'apprécier les deux. Là. Mais il regarde les Alouettes pareil. Lui, il dit les Alouettes se sont assurés d'être tellement pas bons. Ils ont gardé Kevesry, qui était l'un des pires entraîneurs d'Edmonton de l'histoire, puis qu'ils l'ont mis comme DG. Ils s'assurent d'être pas bons. je regarde ça, puis c'est quasiment vrai. Là, quelque part, moi, en tout cas, j'ai pas une grosse confiance. J'ai zéro confiance en ce gars-là. Puis, en tout cas, t'es aussi ben, ouais. C'est difficile d'avoir confiance quand il n'y a eu aucun résultat. Puis le sport, ça marche au résultat. Mais tu sais, c'est pareil. On pourrait parler des Canadiens de Montréal, puis c'est la même histoire. On n'a pas développé, on n'est pas capable de développer nos jeunes. Là, on voit Washington qui gagne la Coupe Stanley hier avec un but égalisateur puis un but gagnant. C'est deux anciens Canadiens de Montréal. Bon, c'est peut-être juste une question de circonstance, là, mais tu sais, c'est ça. On a de la difficulté à Montréal à accepter que on... Puis je dis Montréal, je parle au Québec, là, tu sais, à accepter qu'on va être en bas de classement pour développer, puis là, on se retrouve dans cette situation-là. Moi, j'aimerais ça voir des choix judicieux qui on développe les jeunes, puis on les garde, puis éventuellement redevenir ce qu'on a déjà été. Oui, effectivement. Pascal, je veux te parler en terminant de Johnny Manziel, qui va être une belle histoire pour la LCF cette année. Manziel, là, quelque part, c'est encourageant son premier départ, là. Ah ben, très encourageant. Écoute, on a revu la Ligue canadienne avec le terrain, tu sais, puis un peu avec son style de football, a comme permis à Johnny Manziel de ressortir les qualités qui lui a valu le Heisman Trophy. Ouais. Tu sais, le côté scrambler, le côté acheter du temps pour repérer ses receveurs. Si tu regardes ses highlights là, à Johnny Manziel quand il était avec Texas A&M, c'était une de ses forces. C'était de pouvoir jouer en arrière de la ligne de mêlée. Mais c'est sûr qu'au niveau de la NFL, quand le joueur de ligne défensive court aussi vite, sinon plus vite que toi, tu peux pas acheter beaucoup de temps. Donc là, avec l'espace que les receveurs peuvent créer sur les demi-défensifs. Moi, je pense, contrairement à d'autres carrières américaines, où l'ajout d'un joueur est plus un bâton dans les roues qu'un côté positif. Johnny Manziel, c'est le contraire. Okay. Lui, j'ai l'impression qu'un receveur de plus, c'est pas un demi-défensif de plus pour lui. Okay. Tandis que moi, j'ai vu beaucoup de carrières américaines arriver de dire, OK, là, le 12e joueur, c'est un 12e joueur défensif et non offensif. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Mais Johnny Manziel, c'est un peu ça qu'on a vu. Bon, on s'emballera pas trop vite là, parce qu'il c'est un pre-season, puis il est rentré plus contre les backups, là, tu sais, comme contre les remplaçants. Mais il a joué une bonne partie du match, il a montré de belles choses. Ouais. Puis il restera pas longtemps sur le banc. Là. On ne pourra pas à Hamilton garder Johnny Manziel sur le banc bien longtemps. C'est lui qui va faire vendre. Des étiquettes, hein, quelque part. Hein. C'est des produits dérivés. Ça va être une attraction incroyable pour la SCF. Donc, c'est pas mal intéressant. Pascal, c'est la première d'une longue série de collaborations encore cet été. Même si je suis pas même si je suis pas intéressé aux Alouettes, je vais quand même les suivre pareil. Travail oblige. Fait que on va s'en reparler vendredi prochain. Parfait, ça. C'est, on a bien hâte de voir quand les matchs vont compter. Oui, effectivement. Donc, Pascal Masson, le collaborateur des Alouettes.